toutes les cartouches, tu débranches l'imprimante, tu la laisses reposer, tu remets les cartouches, tu rebranches ton imprimante et ça devrait fonctionner. C'est ce que j'ai fait. Et là, on me dit, ah, il faut peut-être nettoyer les têtes. Je dis, hey, c'est fou, hein? Moi j'en ai juste une, puis elle en a plusieurs. Là, j'étais jalouse, voyons donc, mais au moins, hein? elle a flanché. Alors, je nettoie les têtes, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais quatre fois. Et je vérifie. On m'annonce encore un code d'erreur 97. Je fais une recherche approfondie. J'appelle le FBI. Je dis que c'est Rénal Gagné, que j'anime Errance Rénaldienne à la station CKRL. Et bien là, ils ont vite compris qu'à CKRL, on ne blague pas avec ça. Un code 97. Donc, ils m'ont dit, quelqu'un de haut placé communiquera avec toi, avec vous. J'ai dit, OK, veuve à la prochaine. J'attends l'appel. L'appel a eu lieu. C'était Donald Trump qui m'a appelé et qui parle un français exceptionnel. J'ai dit, hey, Donald! Hey! Non. Il dit, non, Renan, je parle français. Je parle un français quand je nomme le mange et je peux être complice par toutes les vaches du Québec. Je dis, hey, Donald Trump qui m'appelle. Je suis honoré, monsieur. Je suis à quatre pattes actuellement et je fais des grandes prières. Vous êtes mon idole, monsieur Trump. Je n'étais pas États-Unien lors de vos érections. Je me serais empressé de m'ériger devant vous et de voter Donald Trump. Vous êtes de un l'homme qui a très bien compris l'Amérique, qui veut sortir cette structure populiste et vacillante du lot. Pour faire un pays fort, coordonné, intelligent. Je vous comparerais assez facilement et humblement à Donald Reagan, que j'ai une admiration incommensurable sur toute sa vie. De un, son côté comédien, il était un excellent comédien. J'ai vu tous ses films, sauf un, c'est « Mort à la tronçonneuse 42 » avec ma femme Nancy. J'ai pas vu ça, mais il paraît que c'était un film maison, tourné maison. On les voit, ça se débat dans des souvenirs. Oh, c'est merveilleux. Tout le monde peut écouter ça. Il n'y a pas trop de violence. Il ne l'attrape jamais. Donc, Nancy Reagan n'a pas jamais à la tronçonneuse. Bon, ça, j'ai été déçu. J'ai même appelé Donald Reagan à l'occasion. J'ai dit, Donald, ici Renal. Donald! Avez-vous appelé Donald? OK. Excusez-moi. Donald! Voyons, Donald! Bon! Donald, c'est Renald! Ah! Donald! How are you? Oh, my femme va bien, moi va bien, tout le monde va bien dans la famille. I'm fine. Fine. Et vous? Ah. Donald. In a petit problème. A short problem. Mais a very short, là. A very short. My slip est coincé tellement c'est short. C'est à moi. À chaque fois, je m'achète des... Ouais, c'est trop... C'est-tu des marques états-uniennes quand je m'achète des sous-vêtements, monsieur Reagan? Mais parce que j'ai le même problème aussi lorsque je me procure des vêtements en Corée, hein. Ah oui, je sais pas, moi, les vêtements coréens me vont bien, mais il faut que je prenne XXXXXL. C'est vrai, 5 fois X. J'ai dit, voyons, à force d'avoir des X, j'aurais pas de vêtements, ouais, ta poêle. Hey, Lionel, you're not. On est pareil. On aime le cinéma, on aime l'aventure, les westerns. Hey, vous êtes extra. Moi, j'ai tout vu vos films, hein. Sauf un, là, Nancy Ray à la tronçonneuse, là. Comment ça, vous l'avez pas eu? Pas le contrat, mais il fallait juste l'attraper puis la tronçonner. Voyons donc. Mais. Ah, c'est occupé de vous jusqu'à... Ah bon, OK. Hey, Donald, en tout cas, bravo d'avoir mis sur la sellette un Donald Trump, et parce que mon problème ne vient pas de Donald. Donald, j'ai rien contre, hein, c'est mon grand ami. C'est plutôt l'imprimante que je me suis procurée il y a 3 ans. Ouais, j'ai un code d'erreur, 97. Là, je tombe au fusil, là. Quand je dis des 17, en prolongeant le « ça veut dire que ça va pas bien, là. Est-ce que ça se peut, est-ce que ça se pourrait, M. Reagan, que des entreprises programment un article que nous avons acheté pour qu'il s'arrête de fonctionner? Pour qu'ils s'autodétruisent, pour qu'ils nous flangent entre les mains quand on a des rapports importants. Je tiens à vous dire, M. Ray, que j'anime l'émission la plus à CKRL, qui s'appelle Errance Rénaldienne. Et j'ai voulu imprimer des textes de poésie. Rien de très fâcheux. Histoire de développer, à travers nos auditeurs, une certaine fébrilité face aux mots. Allô, Donald? Donald? Oh, il est parti. Il est bête un peu, hein? J'espère que Trump n'est pas le même. Et puis donc, j'ai été déçu. Très déçu, je vais vous dire que je me suis senti un peu mal à l'aise de savoir que je me suis fait duper par une compagnie que j'adore. Et j'en racheté une autre. Savez-vous pourquoi? De la même compagnie. Presque de la même... même numéro de... Je vais vous dire pourquoi la même marque. C'est parce que... Je me suis acheté un lot... d'encre. Mais là, un lot d'encre là, pour 20 ans à venir. Fait qu'il faut que je reste fidèle à cette imprimante. Puis elle m'allait bien. On était du même profil. Puis je disais... J'y parlais, puis elle m'imprimait des affaires. C'était une bonne fille. Mais là, il faudrait que je trouve... Le chips à l'intérieur, le programme à l'intérieur qui va l'autodétruire. Parce qu'on dit, hein, nos enfants, arrête de faire ça, tu t'autodétruis, mon petit champion. Fumer ta petite choke, là, quand c'est pas bon, ça. Tes études avant. Après, on verra. Là, quand tu auras un emploi, là, quand tu seras médecin, premier ministre, là, tu prendras de la drogue, c'est pas important, là. Mais actuellement, il faut que tu sois sage. Très sage. Il faut que tu fasses quelque chose de toi. Monte l'échelon de ta famille. Nous autres, on n'a pas fait grand-chose dans la vie, hein? Bon. Moi, tu sais ce que j'ai. Bon. Je peinturais des petites rondelles. Tu sais, quand tu regardes le hockey, là, les rondelles noires, ben, c'est moi qui les ai toutes peinturées. Ben, pas moi tout seul, là, mais nous étions une équipe de deux. Un genre de duo. Moi, à deux, là, je peux dire que je suis un duo. À trois, je suis plutôt un trio. Puis à quatre, ben, je suis un carpet. Une carpette. Carpette, quatre, carpette. Mais non, c'est un cas de chance, c'est une blague. Voyons donc, faut bien. Décompresse, toi, mon petit champion. Prends ce relax, la vie, là. Prends un verre d'eau. Bon, ça va passer. T'as une petite boule au niveau de la gorge. Bon, est-ce que c'est le code d'erreur 97 qui te fait ça? Mais ben voyons donc, développe pas un cancer à cause de... Oh. Hey, imaginez-vous si nous, notre corps, serait programmé, hein, pour faire en sorte qu'un cancer se développe, parce que tout est fait chez nous, on a toutes les... C'est ça qui est extraordinaire et épouvantable. Nous avons toutes les maladies en nous, on les développe ou pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les développe? Qu'est-ce qui fait qu'on les développe pas? Il y en a qui ont des cartes, comment t'appelles ça, donc, au hockey, là, t'es... voyons donc, mais... Rita! C'est des cartes de séjour. Regarde-moi l'imbécile. C'est pas une carte de séjour. Ça, c'est un bon groupe avec Rachid Taha, mais carte de séjour, c'est quand tu veux aller vivre à quelque part puis pour quelque temps. Mais c'est pas ça, là, des... En tout cas, t'es abonné à l'année, là. Chez le médecin. Parce que t'as tellement peur d'avoir une petite crampe au niveau du cheveu. Hein? Une petite longueur au niveau du cil. Là, tu vas voir ton médecin. Il me semble que ça va pas bien. Ce matin, là, je me suis réveillé. Hier, je me suis réveillé. J'ai même peur de ne pas me réveiller à un moment donné, moi. C'est pour ça que je me refuse de dormir. Je suis rendu insomniaque à cause de ça, docteur. Auriez-vous de la pilule à me prescrire? J'ai me trouvé quelque chose. Mon profil de pilule, ce serait quoi, moi? Les petites jaunes ou les petites vertes? Les bleus foncés? Ben voyons. Donc, est-ce que c'est du placebo, ça, là? Là? On fait chawap par la suite. Puis, est-ce que je peux développer un cancer de la prostate, moi? Je suis tellement gentil. Hey, toi, t'es smart. Fait que le cancer de la prostate, je ne l'aurais pas, moi. Pas aujourd'hui, bon. Ça se développe en combien de jours, cette affaire-là? OK. Moi, ça, vous voulez me faire rencontrer un psychiatre? C'est la prostate, c'est la prostate, c'est la prostate, c'est split, c'est split, c'est split. J'ai peur d'avoir ça, moi, ces affaires-là. Puis mourir. Comment ça, on meurt? On vit pour mourir? Voyons, arrêtez-moi ça, vous, là! J'ai les hamsters qui tournent J'en ai plusieurs! Ben, voyons, on m'avait dit que j'avais juste un hamster. Ah! Oh, vous me rassurez, vous! Vous êtes positif, hein? Vous êtes zéro positif. Voyons donc, vous êtes malade! Un docteur malade! Êtes-vous fou? Moi, vous presserez un psychiatre, moi! Un médecin malade et fou! C'est ça qu'il nous faut au Québec! Voyons! Venez vivre chez nous! Ah, vous êtes chez nous! Ben, voyons, restez-y! Coupez là, votre carte de séjour, puis... vous êtes un résident permanent! Ah, ben, voyons donc! Se passe-tu des affaires bizarres? Mais si vous êtes permanent, là... C'est comme un crayon-feu. Hey, je me suis fait avoir avec ça, le crayon-feu de permanent. C'est pas tout le temps permanent, ça. Permanent, c'est tout le temps. C'est pas une fois l'occasion, puis ça va dépérir tranquillement. Permanent, c'est là pour la vie. La vie de qui? Est-ce que c'est la vie du crayon? La vie du feutre? La vie de nos yeux? Ça dit rien. C'est flou un peu, là. Permanent, permanent. Une permanente, c'est pas permanent, une permanente. Ça frise, oui, mais pas jusqu'à 100 ans. Ça frise, puis à un moment donné, là, t'as le boudin, puis t'as la repousse qui, elle, reste raide. La repousse raide et le petit boudin. Tu ressembles à un caniche au début, puis à la fin, ben, tu te demandes si c'est pas une œuvre abstraite. Toi qui as payé, ça coûte combien aujourd'hui une permanente? 75 piastres pour une permanente! Faut-tu être frisé du portefeuille pour dire oui puis cracher le morceau? Là, j'ai une autre imprimante parce qu'il y a un 4,97. Je ne vais pas faire un dame avec ça, là, puis ça va me coûter 100$ de plus. Ben 100$, 100$! 100$ pour une imprimante que j'adorais, que j'aimais, que je cajolais, que je mettais. J'avais une petite étui en plastique. Il n'y a pas une poussière qui a tombé là-dessus, monsieur le premier ministre. Il n'y a pas un postillon, parce que tout le monde sait que je postillonne énormément. Quand je termine une émission, oui, je le tords, le micro. Puis ce SM, ce Shure 57, 58, 97, je sais pas vos cartes, t'as jamais flanché. Y a-t-il une puce à l'intérieur de ce micro-là qui va dire, on arrête le tout, puis on va faire l'anarchie! Je pose des affaires dans le monde, monsieur! Le 4,97, j'en veux plus, moi, là! Je suis rendu au bout du rouleau! Comment ça qu'on me l'avoir dit au début, là? Mais ça se peut que si vous vous procurez ce produit, vous risquez, quelques années plus tard, d'avoir des problèmes. Le problème, c'est tout, c'est constant! Problème, là, et quand je m'achète du steak à chier... Ce steak à chier-là, là, c'est bizarre. Dans 6 jours, c'est plus bon. Il y a une petite puce à l'intérieur, une puce à l'intérieur qui envoie toutes des microbes pour s'autodétruire, ce steak à chier-là. pour que ça porte vraiment son nom, ce steak haché que j'adore. Le poulet, c'est la même affaire. Tout ce qu'on absorbe. Il y a une inspiration. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal. C'est un complot. C'est Donald Trump. On peut dire que la poésie adoucit les mœurs autant que la musique. Et là, j'ai le goût de vous lire un texte. C'est des courts poèmes. Un de Stéphane Moisan qui dit, qui s'intitule « Ballade » et ici, le texte lit comme suit. « Longue marche sans que le ciel ne bouge, aller pieds nus sur les rochers, un danger agréable au bord de l'eau, pousse des fleurs sur les maillots de bain. » Un autre court texte de René Marie-Reich. Je devrais comme faire aller Souchon. Aller Souchon, lui, avant de chanter, il fait la le li lou la le li lou li lou li lou. Pas juste lui, là, mais. Alors, c'est Rémer Maria Rique. Ah, c'est ça, Rémer Maria Rique. Là, c'est comme Léo Ferré, il nomme ce gars-là. Il dit Rémer Maria Rique. C'est dans quel texte, non? Est-ce aussi que les hommes vivent et leurs désirs... En tout cas, peu importe. Alors, c'est presque l'invisible qui nuit. Je répète, parce que ça fait comme nuit, mais c'est lui. C'est presque l'invisible qui luit, du verbe luire. C'est presque l'invisible qui luit au-dessus de la peinte allée. Comment la peinte allée? Elle peut être allée par là, mais elle ne reviendra plus, hein? Elle va perdre son chemin, ça zigzague vers le bas, puis ça s'ouvre. Hein? C'est comme des choix. Puis quand tu prends le mauvais choix, tu n'es plus capable de revenir. C'est presque l'invisible qui luit au-dessus de la pente ailée. Elle est belle. Elle est glissante parce que là, c'est encore l'hiver. Au-dessus de la pente ailée. Il reste un peu d'un clair de nu à ce qu'est Mazarine. Voilà, mané. Je vois rien. Fait trop noir. Je lis de la poésie dans une noirceur presque illisible. Une noirceur presque illisible, c'est pas pire, ça. C'est étrange comme phrase, comme mot. C'est presque l'invisible qui luit au-dessus de la pente ailée. Il reste un peu d'une claire nuit, à ce jour un argent mêlé. Vois la lumière. Ne pèse point. Sur ses obéissants contours, et là-bas, ses amours dans la main. On va l'enlever, celle-là. Excuse-moi, Rainer Maria Rinke. On va s'attarder plutôt à Henri-Frédéric Amiel. Envers et contre tous. Montre à tes amis ton cœur et ta bonne foi. Montre ton front à tes adversaires. Oui, c'est Rénal, Oui. Oh, hey, on t'a entendu. Tu es là, allô? Ah, t'étais où, Ah, t'étais en train de compter, t'étais à Combien t'es rendu à combien d'attentés? Beaucoup, hein? Est-ce que tu vas t'en souvenir après notre rencontre? Toi, t'as une mémoire d'attenté, hein? Ah, oh, il t'attend, il compte, attenté. Ah, je suis heureux de t'avoir, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, attenté. Ah oui, ça fait au moins 25 secondes que je t'ai inventé à ton thé, puis je m'ennuie déjà. Ah oui, alors fait qu'on se revoit à un moment donné, hein? OK. Alors, j'aimerais ça que tu sois là lors du moment. Bon, le moment sera là. Vous serez là à quel moment? Oui, au moment fatidique? Ah, vous allez applaudir? Oh, un vrai bon public. Alors, c'est à ton thé. Envers et contre tous. Montre à tes mains ton cœur et ta bonne foi. Montre ton front à tous tes adversaires, fidèle à la nature et confondre à la loi. Laisse dire les sons, mais à Vincennes. À Nimesine, à l'humain, à Nier. À Mérifénisning, à l'Omon. À l'Omon, à l'Omon, à l'Omon. Manentine, à Mentine, à Nier. Incominai. Incominai, à Nalasne. À Stamai, Tomai, Enemai. Touloumastine, lamentam. Lamentam et lamentum. Lamentam, lamentam, lamentum. Lamentam, lamentam, lamentum. Lorsqu'il est parti en guerre, Lamitum n'en donnait pas beaucoup. Lorsqu'il est revenu de la guerre, il n'y avait plus personne à part nous. Alitam, alitam, alitou. Alitam, alitam, alitou. Il y avait comme un début dramatique, puis on s'est comme repris en main, et contre tous. Germaine, es-tu contre tous les hommes? Elle, oh! Parce que au début de sa vie, de jeune fille, elle a rencontré un militaire. Elle est tombée comme... C'est classique, là. Hein? Elle est tombée dans un amour flou. Après ça, fou. C'est redevenu flou. Puis elle est partie. Elle a eu un bébé. Bon, elle a essayé de le rejoindre. Il n'a jamais répondu. J'ai jamais compris les gens qui disent répond. Il n'a jamais répondu, mais... puis tranquillement, mais elle s'est comme remise en question. Et c'est ces remises en question-là qui ont fait d'elle une sage femme. Puisqu'aujourd'hui, remplie d'amour, remplie d'ouverture sur l'autre, elle fait le bonheur de chaque résident qu'elle va rencontrer. Elle se promène, sac sous le bras, courage au cœur, frappe aux portes, et discute avec les aînés. Elle amène son enfant qui donne les rayons du soleil, qui donne un certain rayon de soleil aux gens qui en ont point, ou si peu. Elle est devenue une femme courage, une femme déterminée à rendre les autres heureux. Elle est donc, grâce à son cheminement, devenue une personne complètement ouverte vers l'autre. C'est ainsi que, tous les jours, lorsqu'elle ouvre un œil, et le deuxième, lorsqu'elle bâille légèrement pour évacuer une fin de nuit bien remplie, constructive et réparatrice, elle place ses deux pieds sur le sol, froid. Elle se lève, va vers son enfant de 12 ans, le regarde et l'invite à déjeuner. Lui refuse au début. Il veut aller au petit coin. Donc, il s'y dirige. Maman prépare la table. Petit arrive à la table après le pipi, heureux de se dire qu'une autre journée commence. Une belle histoire. n'y a rien de drôle là-dedans. C'est des dames comme ça qui donnent un bouquet de bonheur et surtout un baiser au cœur des gens qu'elles vont rencontrer. Aujourd'hui, le lundi 21 janvier 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Est-ce que j'ai dit 19 ou 21? Avez-vous touché vos cartes, vous, Mme Tremblay? Parce qu'il me semble que c'est pas ça que j'ai dit. Je recommence. Est-ce que j'ai le droit d'aller... Ouais. Oui, oui, il y a Eric, oui. Exact. Eric Burdon. Bourdon, Burdon, Burdu, Burdi, pardon. Oui, l'animal. Oui, il est ici. D'accord, vous voulez... La... OK. Il n'y a pas de problème. Year of the Guru. My friend, I do anything. C'est pas la chanson que tu voulais entendre, Ying and the Guru, parce que The Guru, on l'a entendu tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est... OK. Oui. Ben oui, je l'ai... Non, mais j'ai fait l'erreur. J'avais le doigt pesant, oui. D'accord. Alors, comme tu n'as jamais vu la Maison-Blanche, tu voudrais te la faire raconter en chanson. Mais je ne suis pas certain que ce soit la Maison-Blanche, moi, là. Ça s'appelle White House. Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le Mouexit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dévain de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans. Ça. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Aujourd'hui, le lundi 21 janvier 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Hey, ça va bien, vous autres? J'ai oublié de vous poser la question au début. Ah! Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement Pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon amie Rosemarie, une fille extraordinaire, rayonnante. Ben en fait, Rosemarie, le synonyme de cette jeune fille chanteuse, cette interprète, cette auteure-compositrice, ben, ça pourrait être soleil, ça pourrait être rayon, ça pourrait être été. Donc, je vous présente une belle chaleur dans votre cœur pour l'espace de l'errance rénaldienne. Donc, voici mon rayon de soleil. Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout. Ça changera tout. Rose Marie, c'est à toi. J'arpente les sentiers, j'arpente une beauté refuse. Tout se fait moelleux après toi et moi le déluge. Au gré de nos forêts, on balade nos crépuscules et les champs en éclats d'émeraude où ils capitulent. Sans artifice, au naturel, j'aime que nos liens s'éclaircissent et se révèlent. Sans artifice, au naturel, sans artifice, au naturel, j'aime que nos liens s'éclaircissent et se révèlent. Sans artifice, au naturel, j'aime dans la nature humaine la verdure qui passe. Juste à travers des failles, brise la côte de maille, efface. À la vie qui se corse, à nos peaux qui s'écorcent, nous lie. J'en suis un peu des feuilles. J'aimais le souhait d'une belle forêt de fables où l'humus et l'humain ne formeraient plus qu'un seul être. Ayant ta fleur de peau, l'espoir d'un monde beau à naître. Ah. Bon, lui, c'est bon. Ah, ça va mieux pour les magnétos que pour les photos. Et le deuxième. Ici. C'est quand même pas mal, hein? Tout le monde veut y toucher. Bah oui. C'est la moumoute. Oui, c'est exactement. Exactement. Bon, c'est parfait. Tout va bien. Bon, là-dessus. Lui, il est juste un petit peu long à charger, mais c'est pas grave. Il fonctionne. On va attendre qu'il se régénère. Hey, désolé du retard. Hein? C'est pas grave. Okay. Parce que... Bonjour. Je prends un allongé, s'il vous plaît. Ouais, je vais vous prendre la même chose, s'il vous plaît. Avec des glaçons. Orange et citron. Du coup, okay. Je prendrai un autre verre de fois parce que celui-là, c'était pas bien. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Non, mais en plus, moi, en fait, du coup, j'avais envoyé un petit message Facebook parce qu'il y avait des problèmes sur la 2. Ah, c'est toi qui m'as appelé? Ouais, donc j'avais peur d'être en retard. Et je ne répondais pas parce que j'étais en retard. Ok. Et j'ai dit, si c'est vraiment grave, elle va envoyer un SMS. Ah oui. Non, mais c'est parce que j'avais un peu peur d'être dans en retard. Dans la 12? Ouais, la 2. Ah, la 2, ok. Ouais, ah, t'es arrivé en bas. Parfait, ça fonctionne. Ah, très bien, bonjour et bonjour. Bonjour. Voilà, a-t-il des petits prénoms? Aurélie Hardy, c'est ça. Alors, c'est attends un peu, c'est Rosie? Rosie, ouais. Rosie-Marie. Ah, Rosie-Marie. Ouais. Alors, bonjour Rosie-Marie. Eh bien, bonjour. Comment ça va? Bonsoir, bien. Excellent, et merci d'avoir accepté. Bah non, merci à toi. Tu es dans la chanson depuis combien de temps? Dans la chanson depuis combien de temps? Depuis toujours, on va dire. Hein. Depuis toujours, c'est-à-dire que, bon, professionnellement depuis 2010, okay. Mais sinon, depuis toujours, j'ai toujours fait de la musique, toujours chanté, toujours fait du piano, donc, ouais, je vais dire depuis toujours. As-tu une basse classique? Comment? Au piano, as-tu une basse classique? Alors oui, j'ai commencé par des cours privés en classique, et après, après je suis partie vers la musique actuelle, et j'ai fait un petit temps de jazz. Musique actuelle? Oui, musique actuelle, c'est musique pop. Ok, pas ça, John Zorn ou des trucs comme ça, la musique actuelle ou... Musique actuelle, c'est de la pop. Ok. Non, musique savante, non, mais musique actuelle, c'est plus pop, chanson française, voilà. Okay. Et qu'est-ce qui t'a fait, à un moment donné, tu t'es dit, je veux chanter mes propres chansons, comment ça s'est passé? Ou tu faisais de l'interprétation? En fait, avant, oui, je faisais pas mal, au début, je faisais pas mal de reprises et tout. C'est venu assez naturellement, j'aimais bien écrire. Et puis en fait, dès que j'ai commencé à m'amuser à composer, ça s'est fait petit à petit. Il n'y a pas eu vraiment. Après, j'ai toujours voulu m'exprimer artistiquement. Donc j'ai toujours aimé tout ce qui était cinéma, théâtre. Et après, ouais, ça s'est fait naturellement. Finalement, je ne me suis jamais trop posé la question. Je savais que je voulais faire de la musique. Après, ouais, ça s'est fait petit à petit. Mais... Il y a un moment donné où j'ai voulu défendre mon projet, quoi. Mais des parents qui voient leur fille faire de la musique, c'est pas très, très... Ah, ils n'avaient pas trop le choix. Ok, t'es quand même la tête forte. Oui, c'est-à-dire qu'au collège, déjà, je commençais à aller beaucoup au cinéma. Au début, je voulais être comédienne. Et à 13 ans, j'ai dit à mes parents, non, mais de toute façon, je serai comédienne. Ou je ferai de la musique. Enfin, au début, je voulais faire ça. De toute façon, je leur avais dit, voilà, après le bac, je monte à Paris. Pour moi, tu as fait ton bac pour que ça satisfait tes parents. Oui, j'ai fait le bac. J'ai fait bac plus 2. Voilà, ils étaient contents. Comme ça, j'ai continué un petit peu à faire du théâtre et tout dans le sud. Et puis ensuite, je suis montée à Paris. Et donc, j'ai fait une année de théâtre et cinéma, musique intensivement. Et à la sortie de cette école, j'ai fait « Oh non, je vais revenir à la musique, le théâtre, c'est pas trop fait pour moi. » Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon pour écrire une chanson? Qu'est-ce qui me fait prendre le crayon? Un petit peu tout, ce que je ressens principalement, les gens. Ouais, les gens, la rencontre avec les gens, ce que je vois à l'extérieur, l'envie de partager, l'envie de raconter des histoires et puis de me dire que on peut partager ce moment, c'est peut-être arrivé à quelqu'un. Donc, voilà. Puis entendre aussi le retour de ce que tu as écrit, ce que tu as chanté. Oui, le meilleur retour, c'est lorsque les gens commencent à le chanter et se dire « Oh là là, j'entends ma vie à l'intérieur, quoi. » Je trouve que c'est un chouette retour. Oui, c'est vraiment lié au partage, c'est vraiment lié aux autres, en fait. Les autres, c'est vraiment... Quand je dis les autres, c'est les gens, quoi. Est-ce que tu écrivais un journal lorsque tu étais plus... Ah, mais j'écris toujours. Ok. Depuis quel âge? Depuis que je suis ado, ouais. Merci. Ah oui? Merci monsieur. Oui, ouais, j'ai toujours adoré écrire. Même maintenant, hein, j'ai encore plein de carnets et tout, des carnets secrets. Hein. Est-ce que tu les utilises ou s'ils sont trop secrets? Il y a des choses trop personnelles à l'intérieur? Non, je les réutilise parce que j'aime bien les relire des fois. J'aime bien relire et voir un petit peu ce que je suis devenue, qu'est-ce que je pense du coup de ce qui s'est passé avant et tout, et voir un peu l'évolution. Et bien sûr qu'il y a des choses qui ressortent de là pour écrire des chansons, ouais, effectivement. Est-ce que tu te rends compte avec les années qu'il y a des thèmes qui reviennent constamment? Oui, assez souvent. Ouais. Lesquels? Déjà l'amour, ça revient quand même assez souvent. Et puis cette rencontre avec l'autre en face, cette histoire de miroir, cette histoire de... Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on ressent? Oui, quand même, il y a beaucoup. Et puis il y a aussi souvent le thème de vouloir partir, de vouloir... Tout l'abandonner. Ouais, voilà, pour essayer d'autres choses, l'aventure. Et puis cette histoire de double personnalité aussi. On peut être soi, mais on peut être aussi quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Et c'est ce que j'aimais bien aussi au cinéma. C'est-à-dire qu'on est nous, mais on interprète un personnage. Ça, c'était chouette. Et c'est une manière aussi de se transcender, d'être un autre, comme tu dis. Bah oui, en fait, finalement, d'utiliser ces personnages pour faire passer une émotion et puis raconter des histoires. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des prénoms aussi dans mes chansons. J'aime Bastien parce que c'est un homme-femme. En même temps, j'en ai une qui s'appelle Appelle-moi Joe parce que, avec ce personnage-là, je me permets de partir dans une autre émotion. Enfin, voilà. Ouais, j'aime bien les personnages. Est-ce que tu vois une progression depuis les débuts? Ah oui, carrément. Oui. Oui, beaucoup plus d'assurance. Et puis même au niveau des textes, on est de plus en plus en confiance en fait avec ce qu'on chante. Ouais. Écris-tu beaucoup? Alors, j'écris pas beaucoup. Par contre, je compose beaucoup. Je suis plus compositrice que auteur. D'ailleurs, c'est pour ça que là, les derniers titres, il y en a beaucoup qui vont être en coécriture. Ah oui, pourquoi? Ouais. Parce que j'avais envie de partager ça aussi avec d'autres gens. J'avais envie d'écrire différemment. Des hommes et des femmes? Les deux. Il y a hommes et femmes. Il y a deux hommes et une femme. Et qu'est-ce qui te plaît à chanter les mots des hommes? Parce qu'ils me connaissent déjà. Et je sais pas, on n'a pas la même façon de voir l'amour, déjà de ressentir les émotions. On n'a pas... Un homme, c'est binaire. Alors que nous, on est un peu... Vous avez une vision plus éclatée. Nous, on est plus centriste, c'est ça? Parfois. C'est plus droit, c'est plus direct. Oui. Voilà. OK. Vous, c'est plutôt la métaphore. Oui, voilà. On va des fois un peu se perdre. Mais après, c'est ce que je ressens moi. Est-ce que tu vas demander à ces gens-là de modifier des mots que tu veux pas dire? Honnêtement, c'est assez rare. Parce que les trois auteurs avec qui je travaille, ils me connaissent vraiment bien. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'envoie le texte déjà fait, en fait, une trame. Et eux, après, à l'intérieur, ils retravaillent. OK, alors il y a un premier jet. Oui, il y a un premier jet quand même, je le renvoie. Si, il y a une fois avec Damien où il y a un mot, j'ai dit, ça je me vois pas trop le dire. Mais il était gentil le mot, enfin, c'était bien, mais moi je me voyais pas trop le dire. Mais voilà. Mais après, bon, c'est des 50-50, hein, parce que sur certains mots, j'ai dit, bon, allez, celui-là je vais essayer et tout, mais ouais. Non, c'est... Est-ce que le fait de faire sur scène une chanson, c'est plus intéressant après pour le ramener sur le disque? Est-ce que tu veux les faire vivre sur scène avant? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, par exemple, actuellement, je veux faire que de la scène. C'est-à-dire que avant de faire un EP ou un album, là, c'est dans mes futurs projets, je veux d'abord les tester sur scène. Avant de les faire? Ouais, je veux d'abord les... Et avant, c'était le contraire. Tu les faisais en studio, après ça, tu les chantais. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, il y a eu, l'EP, enfin l'album, ouais. La minuit, mais je l'ai joué déjà sur scène. En fait, c'est vraiment 50-50. Ça dépend vraiment des périodes. C'est-à-dire que pour minuit, il y en avait déjà quelques-unes que je jouais sur scène et après, on les a retravaillées pour les mettre en studio. Alors que là, il y a des chansons que j'ai jouées déjà sur scène qui seront enregistrées au fur et à mesure. Mais ça viendra d'abord de la scène. Est-ce que tu risques d'en enlever puisque la réaction sur scène, si la réaction sur scène n'est pas très réceptive, vas-tu les enlever ou tu... Ça on verra. On verra parce qu'après je peux aussi les réarranger différemment. Modifier, ouais. Et puis là ce qui s'est passé c'est que j'en ai composé beaucoup. Comme ça au moins je peux proposer des choses, on peut changer. C'est ça aussi qui va être sympa. C'est qu'on va pouvoir... Tu parles de la musique, là. Oui, puis même des textes et tout. J'en ai fait une dizaine, j'ai fait exprès pour moduler. Joli costume sur ses larges épaules taillées. Bastien ne craint pas vos coutumes, il porte la masculinité. Les plus polis vont sourire de ses ongles bien limés. Les moins méchants vont médire de ses gestes doux et mesurés. Un corps puissant, mais trop gracieux. Un cœur précieux, caché souvent. Bastien s'est fait la belle. Nos barèmes, il s'est barré. Bastien, singulier pluriel, personne ne peut le conjuguer. Bastien, bel et bien un homme, bel et beau, il est une somme d'humanité. La nuit, dans une robe de soie noire fendue sur sa jambe épilée, Bastien se fiche de vos histoires, il assume la féminité. Les plus polis vont sourire de peau trop épais. Les moins méchants vont médire des muscles dans le décolleté. Un corps gracieux, mais trop puissant. Un cœur précieux. Malheureusement, il y a aussi les insultes et les regards pleins de haine. La bêtise, la peur, leur tumulte. Parfois ça fait de la peine, mais Bastien s'est fait la belle, de nos barèmes il s'est barré. Bastien, singulier pluriel, personne ne peut le conjuguer. Bastien, bel et bien un homme, bel et beau, il est une somme d'humanité. Le jour embrasé la nuit, embarrassé de mes idées noires, je baladais mon insomnie en ballotage sur le trottoir. Et puis Bastien m'a souri, belle et douce et attentionnée. Et à Bastien j'ai tout dit, beaucoup trop fort pour me juger. Un corps puissant, un cœur gracieux, j'aimais les deux en l'embrassant. Je suis en train de créer un nouveau set pour faire un live et finalement il y a un peu des anciennes chansons qui ont été réarrangées et là il y a des nouvelles, donc du coup comme je les aime toutes, j'ai fait exprès d'en faire plein. Okay. Je les aime toutes et comme ça après je pourrais retravailler dedans petit à petit, ouais, et voir comment ça va se passer. Lorsque tu prépares un album, la complexité, est-ce que c'est des enlignées, de choisir la première, la deuxième, la troisième, de trouver un fil conducteur? Bah, en fait, j'essaye de le faire par rapport au thème que j'ai choisi. Okay. Moi, j'aime bien au départ en fait, choisir un thème et ensuite à l'intérieur, j'essaye de faire une histoire. Par exemple, Minuit, le thème c'était la nature humaine. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire en sorte que ça fasse un peu des tableaux au fur et à mesure. Et je savais qu'au début, je voulais commencer par gagner la foule et je savais qu'à la fin, c'était au naturel parce qu'en plus, il y a des voix. Donc, j'ai essayé de le travailler comme ça. Okay. Et voilà, et donc là, les prochaines aussi, je suis partie d'un thème. Et donc, j'ai commencé à composer, à écrire autour. Et je vais essayer, voilà, de... Là, j'ai déjà fait la setlist pour la rentrée. Et j'essaye de raconter une histoire. Alors, j'essaie, parce que voilà, après, c'est ça, c'est que ça, c'est mon histoire à moi. Après, les gens, ils vont se raconter leur histoire et tout. Mais j'ai essayé, voilà, plus possible. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué d'écrire c'est pour ça que tu laisses ça à d'autres? Avant ça, c'était plus fluide lorsque tu écrivais. puisque là, tu demandes à d'autres personnes. Non. Non, c'est, sincèrement, c'est vraiment par expérience. C'est vraiment pour tester. Parce que, par exemple, les prochaines, parce que j'ai déjà l'idée pour d'autres compos, bah, peut-être que moi, j'écrirai. Okay. Après, là, j'avais envie parce que je savais, honnêtement, que je compose plus vite que ce que j'écris. Okay. Et j'avais envie de... Ouais, de partager ça et de changer un petit peu. Voilà. C'est pour moi aussi, pour évoluer différemment. Voilà, c'est vraiment... Ouais, pour avancer différemment. Et puis tu fais de la chanson depuis à peu près combien d'années? Ben, si c'est dans ma vie à moi, depuis que je suis au collège, ouais, ça fait 3 ans. Oui, à peine. Hein? À peine. Non, mais le fait d'antiquer et de faire des spectacles. Alors ça, vraiment les spectacles, c'est pour ça que je dis professionnellement depuis 2010. Okay. Depuis 2010, mais dans plein de styles différents. Et moi, avec mes compos, avec Rosie Marie, par exemple, c'est depuis 2015 que le projet existe. Okay. Mais avant, sinon, j'avais déjà joué. Parce qu'en fait, à côté, moi, je joue avec d'autres projets, j'accompagne des gens, je fais aussi pas mal d'événementiels. Donc, finalement, tout se mélange un peu, quoi. Tout est. Pour pouvoir arriver à joindre les deux bouts, t'es obligé d'accompagner d'autres personnes. Ah, ouais, mais c'est cool. Ouais, en plus, je fais des projets qui me plaisent vraiment. Bah oui, aujourd'hui pour l'intermittence, c'est un petit peu difficile, hein, faut le dire, de travailler, enfin de vivre de faire compo. Bah oui. As-tu beaucoup de travail? Comment? As-tu beaucoup de boulot? Ah oui. Ouais, je touche du bois. Ah ouais? Ouais, c'est cool. En as-tu de plus en plus? Ça s'ouvre? Ça commence à venir de plus en plus, ouais. Les gens m'appellent ou. Oui, puis avec les projets avec qui je travaille, ça se développe bien. Ouais, je suis contente. Mmh. Alors, tu fais partie de combien de groupes en dehors de ta. Alors, je travaille avec un trio qui s'appelle La Vie en Rose Trio. Donc avec elle, on fait partie. Oui, on est 3 filles. Et donc c'est contrebasse, piano, voix et casse claire. C'est qui chante? Toutes les trois. On harmonise et tout. C'est qui écrit? Non, on fait que des compos. On fait que des reprises. On fait que des reprises. Oh, de tout, hein, ça va. De Nougaro, en passant par Piaf. On fait du Madonna. Enfin voilà, on fait vraiment de tout. Oui, on mélange tout. Avez-vous déjà antiqué? Non. Ah ouais. Non. Ça, c'est juste pour l'événementiel. Oui, voilà, on fait des mariages, on fait des festivals, on fait des petits restos et tout. Donc, ouais, ça, c'est sympa. As-tu déjà travaillé avec eux, puis après ça, toi, faire tes propres chansons après? Non, okay. Je ne mélange pas. Par contre, je ne mélange pas. Non, mais la fille qui bosse, elle travaille pour le groupe, puis après ça... Non, parce que c'est vraiment différent. C'est vraiment pas du tout le même boulot, et c'est ça qui est intéressant. Après, j'accompagne aussi une copine qui s'appelle Delphine Lucas. Donc elle, c'est que des compositions, c'est en français. Alors moi, j'aime bien. Pour moi, ça fait un peu pièce théâtrale. Elle joue pas? Non, elle chante. Et toi, tu l'accompagnes? Ouais, au piano. Et c'est assez théâtral, c'est assez loufoque, et tout ça, on rigole bien. Voilà, j'aime beaucoup. Là, je vais accompagner aussi un groupe qui s'appelle Jonah Hawk. Et là, on part au Liechtenstein. Au Liechtenstein. Tu l'as pratiqué, on voit. Ouais, c'est un peu difficile à dire. Non, mais je ne te peux pas répéter, ouais. Au Liechtenstein. Liechtenstein, OK. Donc là, on part en octobre. C'est où, ça, Liechtenstein? C'est à côté de la Suisse. OK. Voilà. Et donc, du coup, là, on va jouer en octobre. Donc ça, c'est de la pop folk. Parce qu'en fait, le studio aime beaucoup ce que fait le groupe. C'est quoi le style du groupe? C'est pop folk. Francophone? Ouais, en anglais. Là, elle voudrait peut-être commencer à mettre des chansons françaises, mais c'est en anglais, ce sont des compos. Okay. Donc là, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien. Donc là, hier, on a répété. Okay. Ah, hier? Oui, hier après-midi. Et ensuite, j'accompagne une copine, mais là, c'est vraiment pour de l'événementiel en jazz, parce qu'elle veut s'amuser, qui s'appelle Marion. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit duo, mais voix piano aussi. C'est le moment où genre, j'espère que je ne vais pas en oublier. Non, et puis après, ben, si par exemple, là, j'ai une copine qui monte son projet. Elle m'a demandé de lui composer des chansons. Donc voilà, j'ai composé quelques chansons. Que tu vas interpréter? Non, c'est elle qui interprétera. Là, je ferai que de la composition. Et qu'est-ce qui fait que cette chanson, ce que tu écris, reste à elle? Donc, Ah, parce que c'est une commande. C'est une commande, c'est-à-dire qu'elle a les paroles et elle me dit voilà, mon projet c'est sur tel style, est-ce que tu peux me composer une chanson? Et après, voilà, après je lui donne, enfin on la met à la SACEM et tout pour la protéger, et puis après elle en fait ce qu'elle veut. Donc ce sont des commandes, donc je suis payée pour ça. Quoi. Ok. Et après. Ouais, mais j'espère juste que je ne vais pas oublier. Non, normalement, non. Non, mais comment tu fais pour oublier tout ça, puis pas m'en donner à j'ai un agenda. J'ai un bel agenda où je note tout dedans. C'est incroyable. Ouais, je fais des listes. Oui, je suis très, très organisée. As-tu beaucoup de congés? Arrêtes-tu quelquefois? J'arrête... alors, à Noël, une petite semaine un peu à Noël, okay. Et là j'ai 15 jours en août. Sinon, c'est du travail mur à mur. Oui, mais en même temps, c'est de l'amusement, parce que comme c'est un métier passion, je m'amuse tout le temps. Après, oui, des fois, c'est un peu fatigant, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en demande, puis il faut beaucoup s'adapter. Il faut beaucoup s'adapter au projet, il faut beaucoup s'adapter aux gens, à ce qui se passe et tout. Mais j'adore travailler. Ben oui, je vois ça. Est-ce j'aime bien. Lorsque tu fais des concerts, comme ça fait 4 ans à peu près, vois-tu un public qui te suit Oui, ça commence petit à petit. Oui. Déjà beaucoup de Parisiens, parce que pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé à Paris. Après, sur Facebook, oui, de temps en temps, j'ai des petits messages après les concerts. Et puis certains me demandent, me disent, bon, alors t'en es où et tout. Oui, ça commence, oui. Alors, on t'attend souvent au détour d'une prochaine chanson, d'un prochain spectacle. Oui, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, alors, c'est quand les prochaines. Puis en plus, là, j'ai commencé à faire des nouvelles photos, donc j'avais un petit peu posté sur Instagram, Facebook et tout. Et voilà, je pense que... Après, je ne suis pas non plus attendue parce que je ne suis pas connue et tout, mais je sais que certaines personnes attendent, ouais. Est-ce que tu travailles aussi l'image sur scène de... Oui, les costumes et tout, ouais, carrément, ouais. C'est rien d'improvisé là-dedans. Le seul truc improvisé pour l'instant, c'est entre les chansons quand je parle. Okay, oui, mais je veux dire, quand t'es habillée, c'est toi qui choisis le style, Ah oui, j'aime bien. Ouais. Bah oui, c'est le moment où on fait les boutiques. Oui, ok. Puis, entre les chansons, qu'est-ce que tu racontes? L'histoire de la chanson ou tu prends juste le pouls du public? Ben en fait, c'est ça. Je suis en train un peu de travailler ça parce que moi, j'aime pas trop raconter les chansons. Genre, alors là, je vais vous chanter, machin, nanana. J'aime pas trop raconter. J'aime bien que les gens, en fait, utilisent la chanson pour en faire ce qu'ils veulent. Et non, des fois, c'est très, très court. Très, très court. Des fois, c'est rien. Ouais. Des fois, j'enchaîne. Dépendant de la journée. Ouais, voilà. C'est... Mais non, je raconte. Est-ce qu'il y a des fois où tu montes sur scène puis la journée s'est mal passée et tu voudrais pas le faire, mais dans le contrat? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres? Alors, les moments plus difficiles, je pense que c'est plus par rapport à la fatigue. Donc, des fois, on se dit, oh là, il faut y retourner. Okay. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez magique. C'est que dès qu'on va sur scène, ouais, ça marche. Voilà, tout va bien. Mais non, après, j'ai jamais eu de gros soucis avant. Après, des fois, on peut penser à des choses avant un peu tristes, mais... Non, quelque chose de bon. Est-ce qu'il y a des chansons que tu oublies ou que tu refuses de chanter après les avoir faites parce que ça ne correspond plus, c'est plus dans ta... Oui, des fois je change, oui, effectivement. Ben là, par exemple, sur l'album Minuit, il y en a déjà 2-3 que je vais plus faire. Pourquoi, déjà? Parce que, en fait, parce que mine de rien, déjà Minuit, il a un an. Pour moi, il est né en fin 2016 et fin 2017, il était fini. Parce que ça correspond plus trop au thème que j'ai choisi. Après, peut-être que je les reprendrai dans quelques années, mais réarrangés différemment, par contre. Après, attention, hein, c'est pas beaucoup. Hein, c'est genre gagner la foule pour l'instant. Je sais pas trop encore si je vais la rejouer. Le temps, je sais pas trop. Mais par contre, j'ai commencé déjà à faire des réarrangements. On ne sait jamais. Réveille-toi. Sortir une jambe, la table au pied. parce que ça fera peut-être partie d'un autre sujet. Parce que j'aime bien aussi faire des concerts en fonction des sujets. C'est-à-dire? En fonction des thèmes. Okay. Par exemple, là, je sais que j'ai plein de chansons. Si je veux faire, si je veux m'amuser à faire un concert que sur les chansons d'amour, j'en ai plein. Voilà. Est-ce que c'est des amours vécus ou des amours imaginaires? Les deux. Ok, tu entrecroises. Mais oui. Lorsque tu racontes des histoires vécues, est-ce que tu demandes aux gens qui sont concernés leur approbation pour... Non. Ben non. Je fais ce que je... En même temps, je dissimule quand même pas mal de trucs. Ok, comme alors ça, pour ça pas passe. Que ça soit compréhensible un peu pour la personne qui... Ouais, puis... Oui, non, je pense que les gens doivent voir des choses, mais en même temps, comme c'est un peu... des fois, il y a des sous-entendus, puis des fois, il y a des sous-textes, du coup, ça passe. Puis ton travail de chanteuse, comme il y en a beaucoup de chanteuses, il y en a beaucoup de chanteurs, qu'est-ce qui te démarque des autres, d'après toi? Qu'est-ce qui me démarque? Eh bien, sincèrement, je sais pas trop. Si, le fait que j'ai une voix assez pure, assez claire, c'est vrai que j'ai de la chance, je peux faire beaucoup de choses avec ma voix. On s'entend vraiment bien, je peux vraiment me permettre de faire plein de styles et aller. As-tu pris des cours de chant pour pouvoir jouer sur les... Ah oui, j'ai pris beaucoup de cours de chant, oui. Oui, bah depuis que je suis ado, je prends des cours, même là, je reprends encore des cours. Hein. Okay. Ah, moi j'adore. Si je pouvais être élève toute ma vie, ouais, j'adore prendre des cours. Mais aimerais-tu être professeur? Mais en fait, je donne des cours. Ah! Aussi, ouais. Mais alors, le chant, j'ai un peu arrêté depuis un an. Et je donne principalement des cours de piano, mais très très peu maintenant et à la maison. Je suis en train de réduire de plus en plus parce que j'ai plus le temps en fait. Ah oui, exactement. Mais oui, pendant longtemps, moi j'ai donné des cours. Hein. Est-ce que tu t'inspires de la musique classique quelquefois pour tes mélodies? Non. Vu que tu as une formation classique? Non, j'ai écouté beaucoup de classiques, mais après, non, je m'inspire pas. Je m'inspire plus de la pop en fait. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Comme musique, c'est toujours la bonne question parce que sincèrement, j'écoute de tout. Okay. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'adore écouter Petit Biscuit. En même temps, je suis une grande fan de Mylène Farmer. Hey. Comment? J'ai dit « Ah, t'aimes pas? Ben, les débuts, oui, mais les débuts. Les deux premiers disques. Ouais. Après, j'adore me faire des fois l'intégralité de Bowie. Par exemple, j'adore Kate Bush. Ou je vais écouter un peu ce qui se passe en ce moment. Edith Despréto, j'avais bien aimé. Qu'est-ce que j'écoute? En fait, j'aime bien aller sur YouTube et écouter un peu tout ce qui se passe en ce moment. J'adore les musiques de films aussi, les BO. Ouais. Ça m'inspire beaucoup. Ouais, ça, j'adore. Bah, j'adore les BO de Sofia Coppola et tout. Ah, oui. Ah, bah, en ce moment, oui, j'écoute beaucoup Phoenix, en parlant de ça. En fait, c'est hyper large. Et puis, ça va vraiment dépendre de mon humeur. Il y a des moments où, genre, je vais écouter Yael aussi, tout le temps. J'aime bien. J'aime bien Gauthier. Enfin, j'aime bien vraiment tout, quoi. Ça dépend vraiment. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Les idées amènent les mots. Les idées et la musique amènent les mots. Les images. J'ai toujours d'abord l'image, d'abord la musique, le thème et après les mots. Est-ce que dans les mots que tu utilises, tu vois que depuis le début jusqu'à maintenant, il y a quand même une certaine évolution dans l'écriture? Oui, il y a une certaine évolution. Après, il y a souvent aussi un peu les mêmes mots, mais il y a quand même une évolution. Oui, bien sûr. Le mot le plus utilisé, c'est amour, sans doute? Ah, mais je sais pas. Bah, tu sais, ce serait marrant de regarder dans toutes les chansons lequel mot revient. Ça pourrait être un bon exercice. Est-ce que ça t'arrive de vouloir reprendre une chanson que tu as déjà prise, mais la modifier avec une autre mélodie parce que tu la trouves moins? Ah oui. Oui, il y a des fois où... Mais c'est déroutant pour la personne qui la connaît sous une mélodie. Oui, mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je change souvent. Je change souvent la setlist, je change souvent les morceaux, un petit peu d'arrangement. Mais pas sur scène, avant de monter sur scène. Oui, avant de monter sur scène... Oui, je sais qu'il y en a. Ben, il y en a aussi que je modifie, c'est-à-dire que des fois je prends des accords d'une chanson et puis je mets les paroles d'une autre. Par exemple, là ça va arriver sur deux chansons où en fait j'ai pris les accords de la chanson, je les ai mis sur un autre texte et le texte de la chanson j'ai mis avec d'autres accords. J'ai changé. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat lorsque. Ah ben. Là pour l'instant personne n'a encore entendu. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu trouves, est-ce que c'est pour toi une façon de te dérouter, de te sortir un peu de ton confort? J'aime sortir de ton confort. Ouais, en fait, j'aime bien quand ça change souvent. Mais par contre, il faut faire attention parce que par moment, je trouve que je change trop. Ouais, alors parce que par exemple, j'ai plein de copines, elles font les mêmes morceaux depuis des années et voilà, du coup, les gens, ils savent. Moi, c'est vrai que pour l'instant, tu peux pas trop chanter de chansons parce que j'adore changer. Mais ça, c'est parce que moi, j'adore le changement et du coup, là, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment que je me calme et que je cale des trucs. Est-ce que ça arrive, c'est ça? Est-ce que ça arrive quelquefois qu'une chanson va rester comme ça, ne bouge pas? Puisque écoute, si tu vas oui. pas... Allez, exemple, Souchon chantait Full Sentimental, puis il décide de changer de musique, ou Lizzie change de musique, puis on ne sait pas si Full Sentimental. Ben moi, je vais aimer parce que je vais trouver ça intéressant. Ouais. Après, oui, là, je sais qu'il y a des chansons qui ne bougeront pas. Parce que là, il y a la mélodie souvent. Ouais. Quand tu dis coller, là, tu ne peux pas toucher à ça. Et là, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que là, les nouvelles chansons que je suis en train de terminer, je suis encore plus sûre de moi et je sais que je ne vais pas les changer. Es-tu une fille gênée? Comment? Es-tu une fille timide? Ah non. Ça dépend pourquoi, toujours pareil. Ça dépend ce qu'il faut faire. Mais non, règle générale, je ne suis pas très timide. Bah, de toute façon, il vaut mieux pas. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai pas mal de... J'adore parler, je suis pas mal à bouger, à rencontrer les gens. Ça va dépendre. Si par exemple il faut rencontrer un professionnel, je serais timide dans le sens où je ne saurais pas trop comment l'aborder. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué parce que des fois on peut être fan de la personne et genre dire rigoler un peu bêtement. Ouais, voilà, un peu caca. Ouais, voilà, et donc faire attention à ça. Mais ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est une craqueuse? Alors, pas de moins en moins. L'expérience pas trop, façon. Ouais, pas trop avant. Par contre, il m'est arrivé en plein concert d'un coup d'avoir peur, enfin d'un coup de trembler quoi. Au début, en fait, avant d'aller sur scène, ça va. Et dès que j'arrivais sur scène, j'avais un peu peur. Oui, j'avais les mains qui tremblaient. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais et puis c'est toujours pareil, ça dépend quel style de projet est-ce qu'on va attendre de moi. Voilà. Mais en même temps, comme tu as beaucoup de changements dans ton style, dans ta... est-ce que tu... À force de te disperser, de te couper à un moment donné à te concentrer, parce que tu fais du blues, tu fais plein de. Tu sais, dans plusieurs groupes. Oui, parce que je compartimente énormément. C'est-à-dire que, par exemple, hier j'ai répété pour Jonah Hawk, aujourd'hui je vais répéter pour Rosie Marie, donc je sais qu'aujourd'hui ça va être ça toute l'après-midi et je vais m'enfermer dans ma bulle. Par contre, voilà, je suis enfermée chez moi. Tu fais ça? Ok, chez toi. Oui, chez moi. Par exemple, là je sais que lundi et mardi. Piano voix? Oui, puis avec mon ordi et tout, enfin je travaille. Mais les voisins sont pas. Non, les voisins, ben non, parce que je fais beaucoup de choses au casque, donc ça ne dérange pas tout. Oui, donc ça ne dérange pas. Après, oui, la voisine, elle a déjà tapé 2-3 fois, mais je lui réponds. Qu'est-ce que tu fais? Tu te passes en bas? Je retape encore 2-3 fois. Ah, tu ne fais pas amie? Avec la voisine du troisième? Non. Okay. Non, non. C'est une chienne. Oui, ben oui, puis elle ne sort pas trop de chez elle, elle s'ennuie un peu, enfin voilà. Non, mais après, elle s'est calmée, là, donc ça va. Est-ce que tu préfères jouer avec un piano à queue ou un piano électrique? Ah bah, choisir, je préfère le piano à queue, hein. Mais c'est les... rare, hein? Ah bah oui, surtout, oui, bah, ça dépend les salles, quoi. Ça dépend les salles, ça dépend... Ben là, quand j'ai enregistré l'an dernier au Liechtenstein pour Jonah Hawk, là, j'avais un super piano à queue, là, c'était magnifique. Ah bah oui, non, c'est éclaté. Mais après, ben non, sur Paris, il y a rarement des pianos à queue, hein. Ça dépend des lieux, quoi, c'est ça. Effectivement. Lorsque tu montes, est-ce que tu préfères des scènes ouvertes ou des scènes fermées? Je suis pas trop embêtante là-dessus parce que... en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, il y a un challenge. Et à chaque fois, il y a un challenge. Si c'est ouvert ou fermé, bah, du coup, on va pas se comporter pareil. Le public va pas être le même. Donc, du coup, non, moi, je trouve ça... Je voulais que je vous aide. Non, c'est gentil, merci. Non, je trouve ça hyper intéressant, au contraire. Après, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend ce qu'on va me demander. Si c'est une scène ouverte et genre, j'ai jamais joué la chanson, c'est la première fois, et genre, tous les gens sont comme ça, là, je vais peut-être être un peu timide et tout. Ouais, le son n'est pas le même non plus. Ah oui, le son, il n'est pas le même, ouais, c'est mais sûr. Mais l'ambiance non plus, non. Une scène ouverte, les gens passent ou les gens... Mais ça, j'ai tellement l'habitude. Thank you. pour exister, être conforme et lissé, très peu pour moi. Et s'il faut t'épouser les cases, renoncer à monter Pégase, sans moi, j'ai donné sans compter pour plaire à tes beaux yeux battus. Gagner la foule, il faut briser le moule. Unique, explorer sa nature et l'offrir au nature. Public, pour enivrer les foules. Qu'elle se saoule, jolie, érotique. Mes envies, mes luxures. Vendre son âme, s'inspirer dans la cam, très peu pour moi. L'écrin de mes passions révèle au diapason l'idylle qui fait fondre la. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Ben maintenant, j'ai joué dans tellement de lieux où genre je jouais et genre ils m'entendaient pas. Ça te dérange pas? Bah si ça fait partie du job, non, je m'en fous. Ok, quand t'es payé, il n'y a pas de problème. Bah, par exemple, là, j'avais bossé dans un bar à Paris, bon bah je jouais mes compos... Si. Par contre, il faut faire attention parce que, effectivement, les gens ils boivent des coups. Donc, moi je joue derrière. Mais finalement, il faut faire attention parce que souvent, quand même, les gens venaient et me disaient « Oh là là, c'est chouette !» Donc, l'air de rien. Oui, voilà, l'air de rien, ils écoutent. Après, par contre, voilà, quand ils passent, ils rigolent et tout. Moi, j'en fous. Au contraire, moi, c'est cool, ça me permet de faire une répète. Je travaille mes petits morceaux, je travaille... Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il faut essayer de trouver aussi voilà, du plaisir et trouver un intérêt pour soi. Moi, je sais que ce genre de soirée-là, bah, par exemple, j'essaye des nouveaux morceaux, j'essaye des nouvelles reprises, je tente des choses. Mais comment tu fais de concerts par année avec tous tes groupes, tous tes... Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que je joue à peu près toutes les semaines. Une fois par semaine, oui. À peu près, oui. Bah oui, parce que... Mais cette semaine j'ai joué, la semaine dernière aussi, là je rejoue samedi. Après là on part en Bretagne avec La Vie en Rose en tournée où on va jouer tous les jours, pendant 10 jours. Bah oui, non, en fait je joue tout le temps. Il n'y a que le mois d'août, quand je prends les vacances. Est-ce que tu privilégies plus ton travail à toi ou celle des groupes? Eh bien, ça va dépendre du nombre de cachets qui me manque à faire. Non, mais par contre, c'est une question que je me suis posée. Et si mon projet prend plus de place, j'arrêterai les autres, oui. Et tu souhaites ça? Oui. Parce que être seul sur scène, c'est quand même... C'est mon projet qui est le plus important pour moi. Est-ce que tu crois, à un moment donné, de trouver des musiciens pour travailler avec toi? Oh, mais je suis avec un musicien, on est deux sur scène. Mais plus que deux? Pour l'instant, non, parce que je trouve que c'est un challenge d'être à deux, parce que du coup, il faut... remplir la scène à deux et puis essayer de trouver vraiment sa place. Est-ce que vous jouez entre les deux pour faire comme des sortes de discussions entre vous? Je pense que c'est ce que nous allons travailler à la rentrée parce que je vais partir en résidence pendant deux jours. Après... C'est pas long deux jours? Comment? C'est pas long deux jours? Non, mais pour l'instant c'est ça. Après peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, mais déjà c'est deux jours pleins. Non, je pense que maximum trois sur scène c'est bien, mais là deux c'est bien. Mais après nous être à plusieurs... Alors, tu veux quand même travailler la réciprocité sur scène entre vous deux pour que les gens sentent l'osmose et... Oui, mais déjà, ils le sentent. Enfin, déjà, nous, on s'entend bien et tout, on rigole bien, donc déjà, ça va. Là, on va surtout travailler les nouveaux morceaux, l'enchaînement des titres et puis nos placements aussi. Mais on est bien à deux. C'est mieux à deux. Pour l'instant, après... On verra le budget. Est-ce que tu travailles sur ton nouvel opus rapidement ou tu veux prendre ton temps? Parce que ça fait déjà un an. Oui, ça a été assez rapide parce que là, je l'ai fini en 2017 et j'ai commencé à réécrire en décembre. Donc, on a fait décembre, janvier, février où on a bien écrit, composé et tout. Et à partir de mars-avril, j'ai commencé à faire les pré-prod à la maison. Et en juin, on a déjà enregistré un titre. Et là, on va se recontacter pour enregistrer en septembre. Mais il n'y aura pas d'EP pour l'instant. On va faire petit à petit. On va faire la scène, des chansons enregistrées. On va voir pour des clips. Et puis après, on verra. S'il y a besoin de faire un EP, j'aurai déjà tout. Quoi. Alors, tu peux prendre encore quelques années? Oui, en fait, je verrai en 2019. Je vais en 2019 comment ça prend. Et puis, s'il y a besoin d'avoir un EP, comme ça, j'aurai déjà les chansons enregistrées. Et puis, il y a un album avec 10 chansons que tu veux attendre particulièrement. En fait, ce qu'est, c'est qu'un album aujourd'hui, c'est mon choix personnel et c'est mon avis, c'est un peu compliqué. C'est cher, ça prend du temps. Un EP, c'est 5-6 chansons. Voilà. Oui, voilà, un EP, c'est un petit. Et un album, ce qu'il y a, c'est qu'après, ça bouge tellement. Ça prend du temps, c'est cher aussi. Puis ouais. Je trouve qu'il faut vraiment être bien accompagné, je trouve, pour faire un album. Et puis c'est pas très grave. Moi, le principal, c'est que je joue. Je me rends compte que j'aime vraiment la scène. Au début, moi, le studio, je suis pas fan. Hein. Ah, j'aime pas être enfermée. Hein. Est-ce que tu écris mieux lorsque t'es heureuse ou lorsque t'es malheureuse? Franchement, non, j'ai. En fait, c'est marrant, quand je suis malheureuse, j'écris pas. Enfin, soit parce que je suis malheureuse que je vais écrire. En fait, j'écris toujours un petit peu tous les jours des trucs. C'est comme la nourriture. Même quand je suis triste, même quand je suis gaie, tout le temps, en fait, je mange normalement. Il y en a, en fait, qui mangent plus quand elles sont tristes. Ouais. Moi, malheureusement, je mange tout le temps, par exemple. Ah oui? Oh. Oui. Ah, ok, c'est peut-être ton... Ouais, en fait, je peux même pas faire de régime quand je suis triste. Ben, régime, il n'y a pas de régime à faire là. quand même. Voilà. Voyons. Voyons. Est-ce que tu trouves que les mots avec les années commencent à couler plus facilement? Mais la musique beaucoup plus, comme tu me dis, là, t'es plus musical que, ouais, que narratif. Mais est-ce que les mots vraiment pour toi te... Attends, tu peux plus perdu. Est-ce que les mots pour toi c'est plus facile à venir depuis 4 ans? Les mots sont plus faciles à venir? Oui, depuis 4 ans. Oui, quand même. Oui. Oui. Bah oui, oui, c'est-à-dire que c'est vrai que quand je m'y mets, je peux écrire plus vite, je peux... C'est plus précis, hein, en fait. Avant, j'étais plus... peut-être pas confuse, mais c'était peut-être un peu plus dispersé ou un petit peu plus vague dans le thème. Et là, ça commence à se rétrécir au fur et à mesure et à être plus précis, en fait. Ouais. Essaies-tu de vivre des événements, souvent, pour pouvoir, après ça, te retirer et en soutirer un texte? Des événements de tout? Ouais. Oui, ça, oui, oui. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que je vis des choses et après, j'aime beaucoup la décantation, comme c'est j'appelle ça. Et en fait, je vis des choses et je les écris après, ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Par exemple, là, cette année, j'ai pris énormément de cours, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses et je sais que je vais bénéficier de tout ça, je pense, l'année prochaine. Donc, ah, parce que c'est long à retomber. Ben, en fait, je me laisse toujours le mois d'août pour calmer un peu tout et voir ce qui reste en septembre. Mais oui, oui, je sais qu'il y a des choses que je vis maintenant, peut-être que je les écrirai après. Ouais, carrément. Comment tu fais pour coller un titre à une chanson? Coller un titre? Oui, tu trouves un titre à plusieurs. Parce que j'aurai déjà le thème. Ouais, il y aura déjà le thème. Si par exemple, je sais pas, je veux parler d'un amour triste, bah, j'aurai déjà un peu les images. Puis j'aime bien regarder des images sur internet ou regarder des films et tout. Et donc en fonction, j'aurai déjà plus ou moins le titre. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont suscité un intérêt à prendre le piano puis à jouer quelque chose après avoir vu un film comme pour exprimer ce que tu as? Ah non. Ah non, t'es pas. Pas tant que ça. Non, je pense que c'est un mélange. Je pense qu'il y a des choses qui ressortent parce que des fois, je me dis « Ah ouais, tiens, ça me fait penser à tel film. » Mais longtemps après. Longtemps après. Non, non, c'est vrai que... Non, je vais beaucoup m'identifier. Je vais beaucoup m'identifier. Je vais beaucoup essayer de comprendre pourquoi j'ai ressenti ça parce que j'analyse pas mal. Donc des fois, peut-être un peu trop. Mais je pense que c'est après. Ouais, moi, je crois vraiment ça. Je pense que je suis quelqu'un comme ça. Par exemple, quand j'écris... Donc que je compose, je fais un premier jet et je laisse passer et j'y retourne en fait après. Jettes-tu beaucoup? Est-ce que tu jettes beaucoup de textes? Non. Peut-être, oui, des petits bouts, mais je les réutilise après puisque je garde tous mes carnets. Mais oui, comme j'ai mes carnets et que j'aime bien retourner après dessus. Mais comment tu fais pour garder la musique? Est-ce que tu écris des partitions ou si tu gardes? Ah oui, en fait, soit sur mon Logic, enfin sur mon ordinateur, je les compose comme ça. Ou alors je mets déjà des accords ou avec mon téléphone, j'ai un dictaphone et je les mets dessus. Ouais, des fois j'aime bien quand j'ai une mélodie ou un truc, j'enregistre tout de suite. Mais pour faire sortir la mélodie, à chaque jour, est-ce que tu joues du piano? Pour essayer d'en sortir des mélodies, comme William Scheller disait, j'essaie de faire discuter mon piano. Oui. Puis lui, ce qu'il veut, c'est une réponse de son piano. Donc, ah, c'est marrant. Ouais, non. Mais William Scheller, c'est quelque chose. Hein. C'est quelqu'un d'assez. Ah ouais, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, il dit, je vais mettre mes mains dessus, il va me répondre. Et c'est comme ça que... Oh, je pense que c'est déjà arrivé. Mais en fait, c'est vrai que c'est toutes ces choses-là, j'arrive... Comme, des fois, ouais, je me mets, puis je commence à jouer des accords et tout, puis après, les mélodies, elles viennent. Là, c'est marrant. Je sais pas, ça fait tellement partie d'un tout que du coup... Est-ce que ton piano, cherche ça les... répond bien? Ah bah oui, parce que je suis toujours contente et tout. Oui, quand je cherche des accords, quand je cherche des mélodies, c'est vrai que je plaque des accords. Oui, c'est vrai que des fois, je m'amuse à trouver un gimmick et puis après, je tourne autour. C'est enregistré, ça? Lorsque tu joues du piano, c'est enregistré? Ben, j'essaye, oui. Maintenant, je mets toujours le dictaphone à côté ou... Ouais, j'essaye, ouais. Parce que si ça part, puis que tu ne le retrouves plus... Oui, puis ça m'est arrivé déjà une fois où j'avais oublié d'enregistrer, je me suis dit, ah là là... Ennui mortel quotidien, je vois bien cette tristesse dans tes yeux, routine quand tu nous tiens, tes propos deviennent dangereux. Un sale temps pour ton âme, autour de toi se noue le drame. Quand tu restes enfermé, humeur fanée et déprimée, l'amertume est au parfum. Le regard fixant l'horizon, changeant des pas toutes les directions. Viens partant pour le beau du monde, une île déserte où présiderait le soleil. Viens partant pour le beau du monde, le regard fixant l'horizon, changeant des pas toutes les directions. Viens partant pour le beau du monde. Pensées nocives, menaçantes, qui la nuit te hante, puis acide, délirante, toxique, virulente, que tu camoufles à bout de souffle. Et si on oubliait demain? Des fois, j'ai un peu de mémoire de poisson, alors... Ouais, mais ça dépend. Quand tu te laisses imbiber, ouais. Que tu n'y es plus, tu laisses ouais. L'intellectuel, le côté intellectuel tomber pour pouvoir... Ouais, c'est vrai que ça, une fois, ça m'est arrivé, je me suis dit, mince, j'aurais dû enregistrer, mais... As-tu l'idée, éventuellement, de sortir quelques pièces uniquement musicales? Au piano? Instrumentales, ouais. Non, pas pour l'instant. J'ai des mélodies où des fois je me dis qu'en fait il n'y aurait pas besoin de chant. Ouais, j'en ai ça. Une comme ça. Okay. Mais ça peut faire partie du prochain projet que j'ai. Où il peut y avoir que de l'instrument. C'est en fait, c'est pareil, c'est sur un thème précis. Et ce serait de faire des chansons piano-voix pour le coup. Et effectivement, à l'intérieur, il peut y avoir des interludes. Ça, j'aime bien faire des interludes. Par exemple, là, j'en ai fait 2-3 pour les prochains titres et j'aime bien. Tu mais ça chante en fait dedans. Tu veux dire quoi par interlude? C'est des petits bouts de 1 minute, même pas, 30 secondes. Sur l'album? Non, ce sera en live. Ok. Et c'est des moments où, ben, par exemple, ça, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'en ai créé 3. Donc il y a une intro, après il y a une autre partie qui va à la fin d'une chanson, et une autre où c'est des gimmicks qui reviennent souvent. Mais ça, je vais tester encore. Ça, je sais pas trop encore comment je vais les placer. Et ça, tu vérifies ça sur scène comme tu... Ben là déjà en répétition, je vais voir avec Mathieu comment ça se cale, comment ça se place et tout. Et après, ouais, je verrai. Aimes-tu lorsque l'on te filme, qu'on te montre ce que tu fais sur scène? Aimes-tu être filmé? Ah oui, oui, ben en fait, ça sert beaucoup, hein. Ça sert beaucoup pour débriefer, voir. Oui, maintenant, avant, j'aimais pas trop. Et maintenant, ouais, je regarde beaucoup. Ouais. Est-ce que ça te surprend quelquefois de te voir sur scène? Ben voyons, je croyais pas que j'étais... Non. Non? Non, je commence à te connaître et... Joues-tu là-dessus? Est-ce que tu joues du fait que tu sais comment les gens vont te percevoir, donc... Non, par contre, je me pose pas de questions, non. Non, mais quand voilà, les gens me font « là, là, t'étais dans tous les sens », ou genre « ah, là, tu rigolais », je fais « oui, bah, ça m'étonne pas ». C'est comme sur les photos, c'est comme tout, ça m'étonne pas. Je fais toujours un peu l'andouille quand même. Hein. Mais le travail de scène, c'est quelque chose quand même assez intense. Après un concert, es-tu vidé? Au contraire, t'es ressourcé, t'es toute fébrile? Non, j'ai toujours beaucoup d'énergie. Toujours de l'énergie? En fait, je suis hyper active. Depuis le début? Ouais, depuis assez longtemps, ouais. Et du coup, oui, j'ai pas mal d'énergie. Après, bon, non, après, je vais être vraiment capoute quand on arrive à la maison, genre... Ok. Mais, ouais, non, j'ai pas mal d'énergie après, ouais. Heureusement. Ouais, je suis assez contente. Mais bon, après, là, j'ai fait des concerts à chaque fois, ça dure une heure, mais j'ai pas encore fait de concert non plus qui dure deux heures et tout, donc... T'as passé le matériel aussi. Hein? T'as passé de matériel. Ah, maintenant, si, ça va, là, je pourrais faire un bon concert d'une heure et demie avec tous les morceaux et tout, ça peut être cool. Tu as combien de chansons, tu es parti? Là, pour l'instant, là, pour le prochain set, j'en ai mis 13. Mais depuis 4 ans, t'en as combien? Oh non, depuis 4 ans, je dois être à 23 chansons, oui. Sans doute, dans les 23 chansons, t'as des chouchous? Ouais. Ouais. Lesquels? Ben, par exemple, dans Minuit, moi, j'adore Bastien. Okay. J'aime bien Au Naturel, California. Et qui d'ailleurs, pardon, California, on l'a totalement réarrangé. Donc c'est tout dans la même mélodie, c'est tout dans les mêmes mots, mais on a réarrangé. Ah non, d'ailleurs, j'ai rajouté un couplet. Tu l'as rajouté? Ouais, j'ai rajouté un couplet. Après l'avoir rajouté. Ouais. Mais ça? Bah parce que ça, c'est moi. Non, mais c'est jamais arrêté, c'est jamais figé. Non, et c'est pour ça que j'aime pas le studio. C'est pour ça que je préfère la scène, c'est que le studio, à chaque fois, il faut tout le temps arrêter le truc. Et moi, je fais non. Et du coup, sur la scène, on peut toujours changer. Ça, j'aime bien. Et puis, Sébastien, Bastien. Ouais. Comment il trouve ça, lui, travailler avec quelqu'un qui modifie tout? Lui aussi, c'est son style? Ah non, Mathieu? Ouais, non. Mathieu, ouais, ah, Mathieu. Sur scène? Ah oui, non, mais lui, il me suit, hein. Enfin, on rigole à deux, je lui dis, tiens, je vais faire des changements et il tout. Il dit rien, il dit pas, non, ben là, écoute, on l'a fait. Non, parce que ce sont mes chansons. Après, lui, il est plus dans le son, en fait. Il travaille avec moi plus dans le son. Et puis, non, il me fait confiance. Sincèrement, il me fait confiance, ouais. Mais après, on n'est pas un binôme, hein. C'est mon projet. Et lui, il est musicien avec moi. Okay. Mais non, il me fait vraiment confiance. Non, puis il aime bien. Voilà, il voit à peu près comment ça avance. Et, tout, ouais. Et lui aussi, il est dans plusieurs projets. Ah oui, ah ben oui. Comment vous faites pour vous rencontrer? Ah, ben pareil, on a l'agenda. Ouais, mais il n'y a jamais de conflit d'horaire? Si. Ben si, il y a des moments où il me dit, ben je peux pas, là j'ai un concert et tout. Est-ce que tu peux faire ça seul sur scène, toi? Oui, alors c'est ça qui est bien, c'est okay. Moi je peux m'accompagner toute seule. Okay, là tu dis, ok, c'est pas grave. Oui, voilà, après c'est pas la même chose parce que je serai piano-voix. Avec lui c'est électronique, ouais, ouais. Moi quand je suis seule, c'est piano-voix. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que moi je peux m'accompagner, donc bon, et là-dessus, du coup, il le sait, donc il n'y a pas de stress, quoi. C'est pas grave, s'il n'est pas là, je le ferai bien voir. Sauf que le son ne sera pas le même. Le son ne sera pas le même. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est moins... Ce sera moins électronique, ce sera moins péchu, enfin, ce sera piano voir, quoi. Donc, As-tu tendance, lorsque tu es seul au piano, d'en rajouter un peu plus, de mettre plus de notes? Ah bah oui. Quand je suis au piano, du coup, je peux faire ce que je veux, hein. Bah oui. Les tempos, ils peuvent bouger, je peux m'arrêter. Et moi, il y a quelque chose que... Lorsque tu es seul au piano, tu peux improviser aussi? Ben, ça va dépendre, oui, du morceau. Ouais, je peux changer les choses, oui. Sauf les paroles. Ah ben ouais, non, sauf les paroles, ouais. OK. Mais est-ce que tu sens à l'aise dans le fait d'improviser, de... Oui. Parce que ça vient du jazz, hein, l'improvisation au jazz. Ben, alors, je suis pas une très, très grande improvisatrice, okay. Mais je peux faire des petites mélodies. Donc, j'essaye, ben, par exemple, grâce à La Vie en rose, ben, c'est vrai que comme on fait des standards de jazz, par moment j'essaye de soloter, enfin de chorusser. Mais bon, je suis pas... Mais je peux y arriver, oui. Je peux le faire. Sur scène, essayes-tu de rentrer en transe? De rentrer en transe. De rentrer en transe? J'aimerais... C'est maîtrisé? Est-ce que c'est maîtrisé ou tu... Non, je laisse quand même une part à l'improvisation et au naturel. Après, entrer en transe, non, je suis pas trop ce genre de personne-là. Okay. Toi, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Ouais, puis c'est quand même une conversation, il va se passer quelque chose avec les gens. Moi, je vais pas être là à mettre de la musique et à partir, okay. Non. Ouais. Hey, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide? Ouais. Oh là là! Là, tu vois un peu la direction, oui. C'est pas mal, hein? Si j'étais un liquide... Oh, ben de l'eau. Sois pas déçu. Non, pas du tout. Si tu étais une ville... Une ville? Londres. Ok, Londres. Pourquoi Londres? J'adore Londres. J'adore Paris, mais j'adore Londres. J'adore comment ça bouge, j'adore les gens, puis j'adore les Anglais. Oh, elle a un parti pris. Comment? Elle a un parti pris. Un parti pris? Oui, ça veut dire que tu chouchoutes. Ah, je sais pas, c'est l'ambiance. D'ailleurs, j'adore de toute façon toute la musique anglaise. Ouais, j'ai toujours aimé les Anglais, je sais pas, j'ai toujours eu un truc avec eux. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Ah, regarde pas ma tête. Tu vas savoir les questions vraiment. Bah, c'est un peu bateau, mais moi j'aime bien le français quand même. C'est beau le français. Fin... As-tu le goût quelquefois d'écrire en anglais? Non. Non, parce que je le chante, mais je le parle pas. Et je le comprends vite fait, mais je me verrai pas. C'est pas ma langue. Et Non, j'aime vraiment. J'aime vraiment chanter en français, je me sens beaucoup plus naturelle et puis c'est plus simple. Par contre, si on me disait, voilà, écris la chanson, traduis-la en anglais pour l'Angleterre, ouais, pas de soucis, ça je le fais de suite. Alors, t'as une très bonne base en anglais. Non, je suis moyenne, non. Pas bah, j'ose pas trop. J'ose pas trop parler anglais. Si tu étais une époque. Une époque. Ah, c'est pas évident parce que j'en aime tellement. Une époque. Je suis désolée, hein, c'est hyper dur hein, parce que j'adore toutes les époques. Ouais, je serais tentée quand même de dire genre en 1800. 1800, ok. Ouais, 1800. Pourquoi? Pour les aventures, je sais pas, moi j'adore ce qui est cap et d'épée et tout. Ah, oui. C'est aussi la façon dont les femmes étaient habillées. Bah ouais, les robes et tout. Mais bon, par contre, les conditions de la femme, Non. Est-ce que tu considères comme être féministe? 50-50. C'est pareil, ça dépend pourquoi, ça dépend qu'est-ce qui se passe. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que je prendrai toujours la défense des femmes. Après, ça dépend, voilà, le sujet, parce que j'aime aussi beaucoup les hommes. Donc je pense qu'il faut vraiment faire 50-50. Si tu étais un mot? Un mot? Un mot. Rivière. Rivière. Parce que ça coule de source. J'adore la rivière. J'adore le bruit que fait la rivière. Peut-être pour ça aussi que j'ai choisi l'eau avant. Ah oui. Je trouve que c'est le son qui détend le plus, en fait, d'entendre la rivière. Connais-tu la chanson La rivière de Stéphane Echard? Non. Oh, c'est son album, pas Graceland, mais ça commence par... Uberland, des trucs comme ça, c'est sublime. Ah oui, tiens, j'irai écouter. C'est sur le même album, Déjeuner en paix, tout ça. Ah oui, d'accord. un aliment. Un aliment? Oui. Oh, la pâte. Tout de suite, une pâte. Oh oui, ah, aussi. Oui. Et moi, je déjeune au spaghetti. Ah ouais, non, mais... Ça, je pourrais manger des pâtes. Non, hein. Mais c'est vrai, je dois te préciser que chez nous, déjeuner, c'est le petit déjeuner ici. Oui, je pensais déjeuner, bien, ouais. Déjeuner, dîner, souper. Ah oui, d'accord. Les autres souper, vous n'avez pas. C'est petit déjeuner, dîner. Ah, mais alors, dîner, c'est à midi? Oui, pour nous, ouais. Il y a le déjeuner le matin, le dîner l'après-midi et le souper le soir. Ah oui, d'accord. C'est le petit déjeuner le matin, le dîner l'après-midi. Attends, le petit déjeuner le matin, le déjeuner l'après-midi et le dîner le soir. Et le, ouais, et le souper, c'est après, parce qu'avant, ils soupaient vers minuit. Ah non. Les Nord-Américains, moi, je suis plutôt à l'européenne. C'est-à-dire que je soupe, donc je dîne plus vers 20h. Mais, exemple, si tu prends les gens en général, comme ma soeur ou plusieurs, c'est 17h30, 18h. Oui, mais nous, en France, quand on disait souper, c'était après le dîner, en fait. C'est pour ça qu'il y a le souper aussi. Oui, avant de... Oui, je crois qu'il y a une histoire comme ça, il faudra regarder historiquement, mais en fait, avant, il y avait le dîner, il y a une histoire avec souper, mais après. Est-ce que tu pourrais manger des pâtes au lever? Oh, bah ben, oui, ça ne m'étonnerait pas. Oui, bah oui, si j'ai, oui, si j'ai faim. C'est mon petit déjeuner préféré. Ah ouais. Si tu étais une saison. Une saison? Le printemps. Ouais, la renaissance. Ouais. J'aime vraiment le printemps, j'adore les couleurs. Et puis le temps, quoi, enfin, la chaleur. Que ça t'inspire? Ouais, le printemps, bah oui, grave. On est tous à l'extérieur, là, ouh, ça y est, c'est la fête, les terrasses. Puis bon, le printemps, ça va avec tout, hein. Si tu étais un membre corporel. Oh là là, un membre corporel, dis donc. La main. Ouais. Mais pour une pianiste, c'est important aussi. Ouais, et puis même, j'adore les mains. Je me suis rendu compte, ouais, j'aime bien les mains, ouais. Est-ce que tu fais attention à tes mains pour le piano? Parce que c'est quand même ton instrument. Ouais, par contre, oui, je fais attention. Par exemple, je sais que, parce que en sport, j'essaie de faire attention de pas... Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, ça va. Non, je me suis jamais... Trois fois? Ouais, mais j'adore ça, mais parce que j'y crois, tu vois. Non, mais t'as touché du poids trois fois, bah ouais, c'est pas mal. Ouais. On a dit jamais 203. Donc, ouais. Si tu étais un moment de la journée? Ouais. Ah, j'adore le matin. Comme là. Ouais, t'es-tu une lève tôt? Oui, j'aime bien me lever tôt. Enfin, tôt, à 8h, je suis levée, c'est pas très tôt non plus, mais je préfère travailler le matin. Ah oui? Ouais. Si tu étais... si tu étais un autre individu? Un autre individu? Quelqu'un d'autre. Oh, putain, c'est super dur. Ben oui. Ah, allez, je serai Joe March. Dans les quatre filles du Dr. March. Ah oui? Joe, ouais, celle qui écrit. Oui. Ah. C'est elle, appelle-moi Joe, en fait. Oui. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Je pense qu'il y a des choses que je changerais quand même. Mais en même temps, on dit ça, mais on peut pas changer. Si on est là, c'est qu'on est là, en fait. Donc... je pense que ça fait partie de ma personnalité, le fait que je sois là, donc je sais pas si j'aurais pu changer. Ouais, non, je crois qu'en fait, non, je changerais pas. Est-ce que quelquefois tu profites de tes voyages pour aller vérifier si tu peux pas chanter quelque part, ou exemple si tu vas en Belgique, en Suisse? Non, parce qu'en fait, quand je voyage, c'est vraiment pour me reposer, pour aller visiter des choses, donc oui, de temps en temps, je me dis, ah tiens, il y a un piano, ah tiens, je pourrais... Mais en fait, non, c'est le moment où j'ai vraiment envie de me poser, donc... Et puis, de toute façon, quand je voyage, moi, je suis tout le temps dans les musées, à courir partout, à tout visiter, donc on va pas forcément faire les lieux où ça joue, donc... Non, puis c'est bien aussi, quand sont les vacances, de pas faire de musique. As-tu un tournant? As-tu quelqu'un qui travaille pour toi à trouver des dates? Non, pour l'instant, c'est moi qui fais tout, ouais. Alors, éventuellement, est-ce qu'on peut... À un moment donné, est-ce qu'on va se voir à Québec? Est-ce qu'on va pouvoir te voir à Québec? Ah, mais moi, j'adorerais venir, mais après, ça va dépendre. Qui veut de moi? Qui veut de moi, oui, mais c'est ça. Qui veut me faire venir? Oui, exactement. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. En plus, souvent, on m'a dit que mon style pourrait aller, parce que c'est vrai que c'est un peu pop, avec une voix assez claire et tout, ça pourrait marcher. Maintenant, il faudrait trouver les contacts, mais c'est toujours pareil, c'est le fait d'y aller aussi, voir les conditions, comment ça peut se passer, mais bien sûr. Ah, moi, si je pouvais faire le tour du monde, de toute façon, si je pouvais jouer tous les soirs et faire le tour du monde, alors là, c'est bon. Mais à un moment donné, tu n'aurais pas peur de l'épuisement ou... Si, je serais fatiguée, oui. Ouais. Mais je serais allée jusqu'au bout. Mais c'est une bonne fatigue. Ah bah oui, toujours, ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je suis vraiment fatiguée, je suis rincée. Mais j'ai toujours aimé ça, en fait. As-tu beaucoup de projets? Des projets? Mais j'en ai toujours. Bah là, déjà, musicalement. Ah ouais. Mais en fait, je fais que des projets musicaux parce que c'est ma vie. Sans foi.